Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah, ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 84. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 24 juin 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es falaise à Étretat ou dune du Pila. Tu es en tongue sur le sable, tu es couvert de monoeil, tu es coquillage et crustacé, tu es champion de jokari et tu es aussi... Elle est froide ? Elle est froide comment ? Froide, froide ou simplement froide ? Non, mais elle est froide, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je préfère attendre qu'elle soit plus chaude alors. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es bord de mer et surtout sea sex and sun. Alors, malgré cette météo toute moche et toute pourrie, jeudi dernier, nous sommes bel et bien entrés dans l'été. Une saison où déboulent sur le littoral des millions de juilletistes et daoutiens. Ainsi, à l'heure où tu vas planter ton vieux parasol sur la plage, la panique au Mangin Palace, dans sa mission de service public bien sûr, a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de t'aider à préparer au mieux tes vacances en bord de mer. Et pour commencer, de Napoléon III sur les plages de Biarritz, au camping de Palavas-les-Flots, il faut te raconter l'histoire des stations balnéaires. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de dresser une liste subjective des différents personnages que tu peux croiser durant l'été sur la plage. On enchaînera d'ailleurs sur une petite merveille de l'incomparable Pierre Desproges qui viendra nous présenter Ondine, une jeune fille du bord de mer. Et puis, dans la foulée, après ces longs mois de batailles électorales, nos leaders politiques vont eux aussi avoir mérité des vacances et nous te dévoileront leurs habitudes estivales. Et enfin, entre séances de bronzage et cours de surf, il faudra te raconter ce bref mais intense séjour au Touquet qu'ont vécu Monique et Jean-Claude le week-end dernier, dans la perspective bien sûr de préparer leur été. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, dernière de la saison. Alors bien sûr, monte le son et pornique dans les dunes. Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him serving at the inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Australia's Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohini Way, inside, outside. Everybody's got surfing, serving USA. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA. And anchor bees and swans, inside, outside USA. Pacific Palace. Surfing USA, c'est ce que te proposaient en 1963 les Beach Boys, le célèbre groupe californien composé entre autres des trois frères Wilson et de leur sœur Finn, bien sûr. Alors ce matin, pour terminer sa deuxième saison sur les ondes, la panique au Mangin Palace a donc revêtu un Bob Ricard, un maillot de pièces et des tongs pour aller se faire dorer la pilule à la Playa. Et pour commencer notre exploration de l'univers particulier des vacances à la mer, il est nécessaire de survoler l'histoire des stations balnéaires. Le littoral fut jusqu'au XIXe siècle le territoire du vide, comme le qualifie l'historien Alain Corbin. En effet, mis à part pour la pêche, le rivage de la mer était une zone répulsive marquée par les marais malsains et le danger des invasions maritimes. Mais au XIXe siècle donc, le mouvement s'inverse. La vogue des bains de mer, comme pratique hygiénique, fait du littoral un espace attractif pour la bourgeoisie dominante. Le progrès des transports, et notamment du chemin de fer, permet aux Parisiens de se rendre facilement sur les côtes de la Manche, et le vide du littoral s'emplit alors de nouveaux bruits. Des pas sur les planches, des bruits de pas, un bruit de mer. Voilà les signes caractéristiques du Deauville que nous connaissons. Car tout le monde passe à Deauville, tout le monde ou à peu près, c'est-à-dire ces happy few qui furent le tout Paris, le tout Londres, le tout New York ou autre capitale. Mais vous êtes-vous parfois demandé devant ces villes-là, ces hôtels de style normand, depuis quand on vient à Deauville? Deux ou trois constructions, un château d'Écosse, une villa à l'italienne qui fut au Demidoff, trahissent le Second Empire et son bric-à-brac de style composite. Dès les centres-villes où venaient trop de nouveaux riches, déjà, Morny, comme l'impératrice, comme Mérimée, avait voulu lancer sa plage. Ce fut Deauville. Un Deauville minuscule, étourdissant d'élégance, de tapage sur des rythmes d'Offenbach. Avec des crinolines ondulant dans le vent comme dans les aquarelles de Boudin, une cohue de soie, d'alpaga, de tarlatane, de mousseline où les Metternich coudoyaient les Demidoff, les Grammont, les Comte Aubiron, aristocratie internationale de l'élégance à la mode du Second Empire. C'est donc sous le Second Empire que les premières stations balnéaires apparaissent. Trouville, puis Deauville, mais également Biarritz, mises à la mode par l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Les bains de mer sont alors réservés à une élite fortunée qui découvre la natation en caleçon long et en chemise. Mais les transformations du rapport au corps entraînent la disparition progressive du très pudique costume de bain. Sur les plages en été, il est toujours bien porté de s'exhiber au soleil dans le plus simple pareil. On faisait à Houlgate des concours d'omoplates, on faisait au Touquet des concours de mollets. Il paraît qu'à Deauville on montrait son nombril, et même qu'à Saint-Adresse tout le monde montrait ses. C'est une mode très commode, se montrer nu est ingénu quand la mode est au nu. Se montrer nu, ou tout au moins en maillot de bain, est une pratique qui s'accélère après 1936, quand sont instaurés les congés payés par le Front Populaire. Pour des millions de Français, c'est ainsi la première rencontre avec la mer. Une découverte fantastique, mais parfois décevante. Alors après ça, on était à la plage. Alors au début, il y a des vagues, mais même pas nettes, hein, vous voyez. Vagues, bon. Après, il y a une rangée de boue avec des petits fagnons, et après, il n'y a plus rien. C'est une escroquerie, n'y allez pas pour voir quelque chose, y a rien à voir. De toute façon, il y aurait quelque chose, c'est interdit de dépasser les bouées. Moi, j'ai nagé jusqu'à là, j'ai dépassé les bouées. Au début, il siffle, après, il tire. Je suis rentré. On était pour se casser, un vieux qui nous a dit « Ah, mais attendez, le soir, le soleil se couche. Et c'est beau. Bon, alors on l'a attendu. Effectivement, le soir, le soleil se couche, c'est beau. » Ah oui. Le coucher de soleil sur l'océan, c'est un grand classique du cliché estival. Car au XXe siècle, regarder la mer devient une activité majeure, et cela dès le mois de juin, surtout en 1944 d'ailleurs. Regardez le paysage, messieurs. Comme c'est paisible, comme c'est tranquille. Un petit bras de mer entre l'Angleterre et le continent, entre nous et les alliés. Pas un seul anglo-américain ne devra atteindre le rivage. Pas un seul soldat allié ne devra mettre le pied sur les plages. Ce débarquement, messieurs, quelle qu'en soit la date et les lieux, c'est là. Exactement là, sur le bord de la mer, que je me propose de le repousser, de l'écraser. Vous pouvez m'en croire, messieurs, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives. Aussi bien pour les alliés que pour les forces allemandes, ce sera le jour le plus long. Ainsi, Après 6 ans sans grande activité, le tourisme balnéaire renaît et se développe fortement après la Seconde Guerre mondiale. De la Manche, la mode est passée à la Côte d'Azur, magnifiée dès les années 50, quand la plage à la page, c'est évidemment Saint-Tropez. Tandis que la publicité, elle, surfe sur l'amélioration des moyens de transport et vante déjà d'autres littoraux fantasmés. Aujourd'hui, de l'Algarve aux Cyclades, les plages méditerranéennes sont les espaces récréatifs favoris de millions d'Européens. Mais c'est aussi l'unique espoir d'un avenir meilleur pour les migrants africains qui rêvent à l'autre côté de la mer. Et je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Il est certain que pour les touristes rissolés, le choc est violent quand débarquent sur la plage d'une embarcation de fortune ceux qui ont risqué leur vie pour traverser la mer. Car pour le touriste tout bronzé sur les plages bondées de la Méditerranée, le seul souci majeur consiste bien souvent à trouver où étendre sa serviette. Nous luttons tous deux dans la vie, et tout seuls nous devons gagner notre rêve, notre unique envie. Notre toit pour nous y abriter. Nous la gagnerons, mon amour. Chaque jour, notre place au soleil. Et nous la bâtirons d'amour. Chaque jour, notre place au soleil. Trouver sa place au soleil va donc, dans les semaines qui viennent, devenir notre préoccupation majeure. Quoique, pour certains, leur place au soleil est déjà toute réservée. Comme par exemple à Brégançon, où le président Sarkozy va pouvoir faire trempette, accompagné sans doute de Cécilia, qui, elle, n'aura à craindre que les paparazzi en planque sur la plage. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à poupa. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petit pois. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva. Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à pipa. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. c'est terminé. Itsy, Bitsy, petit bikini, c'est le maillot de bain sexy des 60s qu'appréciait tout particulièrement Richard Anthony. Le premier bikini fut présenté à Paris le 5 juillet 1946, 5 jours après le premier essai nucléaire américain sur l'atoll du même nom. C'est pourquoi le bikini fut très vite surnommé la première bombe anatomique. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire des stations balnéaires, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, d'essayer de dresser une liste des différents personnages que tu peux croiser durant l'été sur la plage. Oui, mon ami, quels sont tes voisins de serviette ? S'installer sur une plage nécessite toujours un rapide coup d'œil afin d'éviter quelques écueils. Primo, pour ne pas gâcher une belle après-midi d'été, il faut impérativement s'éloigner des familles nombreuses. Car bien sûr, après qu'ils se soient baignés, les mômes, pour se sécher, vont agiter au vent leur foutue serviette et là, forcément, tu vas ramasser du sable plein la tronche. La courtoisie t'obligera à dire à leurs parents que ce n'est rien, alors qu'en réalité, tu n'auras qu'une seule envie, celle d'étriper leur gamin. À l'opposé, si tu viens à la plage accompagné d'enfants, alors là, il faut faire bien attention de ne pas s'installer près d'un couple. Car bien souvent, très vite, les deux tourtereaux dénudés oublient facilement qu'ils ne sont pas dans leur chambre et finissent par se vautrer l'un sur l'autre dans des positions parfois délicates, ce qui ne manque pas, bien sûr, d'éveiller la curiosité des mômes. « Papa, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, avec la dame ?»« Rien, va te baigner. » Enfin bref, quoi qu'il en soit, pour être convenablement installé sur la plage, il faut faire preuve d'une réelle stratégie. Corinne, Corinne, déplace le chien de ce côté, parce qu'il y a les gens derrière qui avancent. Tu sais qu'ils sont pas vrais, les gens derrière, là. Au fur et à mesure, ils grattent. Corinne, mets le parasol de ce côté, comme ça on les bloque. Il tient pas ? Il tient pas ? Mamie ? Mamie ? Vous voulez pas vous asseoir près du parasol ? Comme ça, vous le tiendrez. Et vous serez à l'ombre. Parce que vous êtes quand même très rouge, mamie. Oui, sur la plage, la grand-mère doit toujours servir à caler le parasol afin d'éviter qu'il ne s'envole et que ta femme doive cabaler après comme une imbécile. D'autant que dans sa course folle derrière le parasol, ta femme pourrait bien tomber sur un bel inconnu en maillot de bain. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ? Ça va pas, non ? Bon, j'insiste pas. Pas possible ! Il va faire toute la plage ! Waouh, gentil la petite. Et hop là ! À la longue, ça risque de marcher. Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter. Du coup, lorsque ta femme revient vers toi avec le parasol, tu sens bien qu'elle est troublée car devant la concurrence de toutes ces bimbos allongées sur le sable, elle doute de son physique en maillot. J'aurais souhaité une taille de plus à mon bustier. Au lieu de 85, faire 95B. Ma bouche l'aurait bien un petit peu gonflée, histoire d'être toujours prête à donner un baiser. Mes fesses mériteraient d'être rehaussées. J'ai mis de côté de la maille pour me faire les peaux sucer. Mon nez, ça y est, je l'ai déjà fait. Ce qui me reste, ce sont mes pommettes, mais ça, c'est pour après. D'ailleurs, de ton côté, pendant que ta femme, justement, galopait sur la plage derrière son parasol, tu ne t'es pas privé, toi, de mater ses corps bronzés et séduisants. Et donc, il te faut immédiatement un bon bain de mer pour calmer tes ardeurs anatomiques. Alors, à ton tour, tu cours vers l'océan et tu plonges la tête la première dans les vagues, sans vraiment faire attention, du coup. Les méduses aussi sont arrivées. Comme chaque été, les sales bêtes qui piquent et brûlent ont envahi le littoral de la Côte d'Azur. On en trouve partout, par milliers, de cannes à Saint-Tropez. Il faut zigzaguer dans le sable pour aller faire trempette et nul n'est à l'abri d'une rencontre inopportune. Exemple, ce maître nageur niçois qui a été rattrapé à la brasse par une flottille de méduses. Ce qui devait arriver arriva, c'est que bon, il y en a une qui m'a complètement touché et là, et puis aussitôt, j'ai pris peur, et puis j'ai pas fait attention, et une autre m'a pris de l'autre côté, et puis mon visage s'est mis à enfler. À partir de là, j'étais stressé, quoi. Oui, c'est ce qui s'appelle être médusé. Eh oui, la plage regorge de petits pièges, parfois dangereux d'ailleurs. Alors, pour s'en prémunir, il ne faut jamais oublier de sympathiser avec les gens du coin, car ils connaissent les remèdes. En effet, il n'y a pas que des touristes sur les bords de mer, il y a aussi celles et ceux qui possèdent une mémoire vivante du lieu et qui parfois t'offrent quelques secrets sur ton lieu de vacances, justement. La première des plages qui mérita d'exister fut Trouville, le saviez-vous, cela ? Alexandre Dumas en fut, à son insu, le révélateur. C'était en 1831, Dumas venait d'avoir un grand succès à la Porte de Saint-Martin avec Antony. Il se préparait à écrire un drame qui fut aussi réussi. Il chercha la campagne, il poussa son chemin jusqu'au Havre, puis il eut le caprice de se faire traverser l'estuaire de la Seine. Il trouva là, bêtement, un village de pêcheurs, un petit trou pas cher. C'était Trouville, tout simplement. Il s'y plut, y retourna, y fit venir ses amis. Ses amis étaient des peintres, des acteurs, des journalistes, des bavards, enfin des bavards pour le bon motif. Trouville était lancé, la Manche était découverte. Alors, j'imagine déjà que certains d'entre vous se disent « Oui, bon ben, il est sympa le vieux du coin là, mais il est un peu rasoir quand même, non ? C'est l'été, bon sang, il faut du glamour sur le sable chaud. » D'accord, sauf que, si tu es patient... C'est ce vieux monsieur-là qui peut également t'indiquer quelques plages moins fréquentées dans les environs où tu pourras installer ta serviette paisiblement. On ne parle que de ça ce soir à Saint-Tropez. Demain, la gendarmerie part en guerre contre les nudistes de la plage de Pamplonne. Il est vrai que cette année, la coupe a débordé, si nous pouvons dire. Oui, le préfet du Var lui-même a donné des consignes impératives. Tous les moyens utiles seront mis en œuvre pour faire respecter la loi interdisant le naturisme. En effet, Pamplonne est depuis 30 ans le refuge des naturistes. Au début, tout ce petit monde, avide de soleil et de grand air, pratiquait un naturisme bien innocent et les autorités fermaient alors les yeux. Mais au cours des années, la clientèle de Saint-Tropez a quelque peu changé. Bien souvent, les vedettes ont entraîné dans leur sillage une suite moins recommandable et les plaintes ont commencé à affluer à la gendarmerie de Saint-Tropez. Au soleil, complètement nu, au soleil. Alors maintenant, pour enrichir notre galerie de portraits des personnages de la plage, le mieux, je crois, c'est de laisser la parole à présent au merveilleux Pierre Desproges qui vient nous présenter Ondine, une jeune fille du bord de mer d'après l'œuvre de Giraudoux. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Quel con, ce Giraudoux. Encore un qui buvait de l'eau. Bah oui, écoutez, on n'écrit pas Ondine impunément. Bon, notez que Ondine, c'est pas que de la flotte, hein. Y a à boire et à manger là-dedans. Si, c'est vrai, rappelez-vous la scène du dîner de l'acte 2. Hein ? Rappelez-vous, au centre, l'humble maison d'Ondine au dos des dunes, où la mère d'Ondine dresse la table. Par la fenêtre entrouverte, Ondine regarde la mer. Pas la mer, la mer. Elle est amère. Pas la mer, Ondine. Son œil scrute l'horizon où sa mère doit. Où sa. Non. Qu'est-ce que ça ? Son œil scrute l'horizon où son père doit pêcher le congre ou le bar. Le congre que le bar aborde ou le bar que le congre vêt. Car Ondine a la dalle et la mère a l'écrou. Selon qu'il aura pris la barque à congre ou la barque à barre, le père devra remplir la barque à congre à rabord de congre ou la barque à barre à rabord de barre. Or, il a pris la barque à barre. Au premier plan, rappelez-vous, le spectateur voit au flanc de la montagne rouge-feu moutonner un maquis vert. Il y serpente des chemins rares qui débouchent soudain sur des criques sauvages où s'insinue le congre que donc le bar à bord. Ben oui, le bar à bord, le congre par atavisme. Le congre est barivore et donc le bar l'abord. Si vous voulez, le bar est fermé au congre du fait même que le palais des congres est ouvert au bar. Vous Le court extrait d'Ondine que je vais avoir l'honneur de vous interpréter maintenant se situe au moment précis où Ondon, le frère d'Ondine, part pour la Crète. La nuit tombe, la mère d'Ondine et d'Ondon appelle sa fille. La mère. Ondine. Ondine. Oui, la mère. La mère. T'as vu l'heure? Ondine. Et alors la mère? La mère. Et alors Ondine? It seems like every story told about us isn't meant to be. We fly winds of gold all the way back. But what I'm thinking of just this time, why don't you lay your head down in my arms, lay your head down in my arms. You know, my love, this was no dream of mine. But the way you ride those waves makes me want to follow you. Lay your head down, c'est ce que chante sur son nouvel album L'étoile de mer Karen Ann, qui après avoir longuement écouté le Velvet Underground, nous offre aujourd'hui un morceau pavé de bonnes intentions. Et ça tombe plutôt bien, dis donc, parce que, comme chacun sait, sous les pavés, ben, il y a la plage. Alors, pour poursuivre votre balade dominicale et littorale, la panique au Mangin Palace a décidé maintenant, à 11h33, de s'intéresser aux prochaines vacances de nos leaders politiques. Et oui, l'ami, après une dure année de campagnes électorales, pour beaucoup, il est grand temps de prendre du repos. Seulement voilà, comme tous les ans, certains ne vont pas pouvoir partir. Ainsi, Jacques Chirac, par exemple, va peut-être devoir reporter ses vacances. En effet, des juges indélicats et sans scrupules l'ont convoqué pour éclaircir un événement d'obscur de sa présidence. Mais président Chirac, il est prêt à se justifier. J'en ai été photographié nu, à poil, quoi, à Brégançon, par des photographes indélicats et sans scrupules. Bon, on me dirait qu'est-ce que le président de la République foutait à poil sur sa terrasse avec des jumelles en train de mater dans un yacht rempli de... Chirac Oui, Claude, ma fille, mon conseiller. Trouve une explication, vite. Oui. Français, français, j'ai qu'un seul slip. Chirac! Ouais, j'ai pas fini, là. C'est un slip très vieux, très beau, que j'aime beaucoup. C'est mon slip de l'armée, kangourou coton un peu lâche aux cuisses, mais qui maintient bien. Chirac! Ouais. Et comme je ne mets que celui-là, deux jours je le porte, un jour je le lave, trois jours je le porte, un jour je le lave. Pas de chance pour les photographes, ils sont tombés le jour de lessive. En réalité, la véritable raison pour laquelle président Chirac se baladait en tenue d'Adam à Brégançon doit être recherché dans sa prime enfance. Et président Chirac, il a tout avoué au juge. Tout a commencé sur la plage de Luxe-sur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir, le sable nous collait aux fesses, mais surtout j'avais l'entrejambe terriblement irritée. Je me souviens qu'au bout d'une semaine de vacances, j'étais obligé de marcher les jambes écartées pour ne pas hurler à chaque pas. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ses slips en laine et de nous avoir obligés à les porter 4 étés consécutifs. Mais je la remercie de m'avoir, sans le faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. Cet été-là, je me suis rendu compte que je devais prendre soin de mes couilles. Eh oui, l'été, il faut prendre soin de sa peau et ne pas trop s'exposer, car certains coups de soleil peuvent être fatals. Cependant, il y en a un qui ne risque pas de prendre des coups de soleil sur la plage cet été, c'est Alain Juppé. En effet, Alain, qui n'a pas été élu député à Bordeaux, c'est trop con ça, a dit à ses collaborateurs qu'il est hors de question qu'il croise des électeurs ingrats sur la plage d'Osgore. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Alain Juppé n'ira donc pas à la plage cet été et c'est dommage. Parce que les destinations balnéaires sont nombreuses et envoûtantes, comme l'a expliqué d'ailleurs cette semaine Nicolas Sarkozy à Jean-Pierre Elkabbach. Eh bien oui, les vacances à la Baule, Jean-Pierre Elkabbach, ce sont des vacances que je qualifierais d'agréables. Des vacances de détente, en ce qui me concerne, j'irais même jusqu'à dire des vacances de père de famille. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, il y a énormément de jeunes à la Baule, des milliers de jeunes qui envahissent les plages dès le matin et que l'on retrouve après souper en bande sympathique, déambulant dans l'avenue principale. Tout ce petit monde croque des niniches, je ne sais pas si vous savez ce que sont les niniches. Non, vous allez m'expliquer. Ah oui, ce sont tout simplement des sucettes locales qui remportent un franc succès. Des niniches à la Baule pour président Sarko. Mais bien sûr, on sait tous que pour Nicolas Sarkozy, les vacances se passe sur un yacht de milliardaire ou dans la résidence présidentielle de Brégançon, au bord de la mer, où président Sarko est très attendu par tous ses amis. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Pourtant, une fois sur place, dans le fort de Brégançon, il est fort à parier que, pour président Sarko, le naturel et les réflexes reprendront rapidement le dessus. Et oui, même pendant ses vacances à la mer, président Sarkozy, il est au taquet. Messieurs, voici notre objectif. L'ennemi se tient ici, supérieur en nombre, rusé, attentif et bien organisé. Or, que faire, me direz-vous? Posez le problème. Qu'est-ce qu'un gendarme? Qu'est-ce qu'un nudiste? Péricot? Qu'est-ce qu'un nudiste? Chef, c'est quelqu'un de tout nu. Merlot, qu'est-ce qu'un gendarme? C'est quelqu'un de tout habillé, chef. Chef. Oui. Avec un uniforme. Très bien. Donc, si le gendarme est tout nu, il peut approcher le tout nu. Mais rien ne prouve plus qu'il soit gendarme. Par contre, si le tout nu voit le gendarme, il s'habille et rien ne prouve plus qu'il soit nudiste. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de métier les données contradictoires. Des données contradictoires, ce n'est pas étonnant cette période électorale. Ainsi, il y a quelques jours encore, avant que le résultat des législatives ne soit connu, même Ségolène Royal attendait... Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé, c'est comme un soleil là-haut dans le ciel. Bon, maintenant, on sait tous que la vague bleue était un mythe. Et pour Ségolène, ce fut sans doute un soulagement de voir que les socialistes n'avaient pas subi la défaite cuisante qu'on leur prédisait. Mais désormais, pour Ségolène, tout est à reconstruire, avec notamment le ténébreux François Bayrou. Thank you. ce beau roman d'amitié que veut créer Ségolène Royal avec François Bayrou. Ne sera-t-il qu'une passade de vacances ou deviendra-t-il la nouvelle ligne politique du Parti Socialiste ? Va savoir. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'au PS, le premier secrétaire François Hollande, lui, est bien content que les vacances arrivent. Enfin l'été, une période un peu plus calme pour François Hollande, qui ne doit pas oublier toutefois que le 31 août prochain à La Rochelle aura lieu l'université d'été du PS. Et il est fort à parier que d'ici là, entre les différents éléphants socialistes... L'été sera chaud, c'est ce que l'on redoute chez les socialistes, chez qui les grains de sable dans les rouages s'annoncent nombreux. Cela dit, il est certain qu'entre les différents courants du PS cet été, il y aura le choix entre l'alliance ou des coups de couteau dans le dos. Autrement dit, entre un baiser ou une bombe, quoi. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Alors mes mains blanches toutes se dérobent, la foule de tes hanches ta robe. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Nous sommes en amour, des corps sans explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe, c'est ce que chante le sympathique David Lafaure et les Cinq Têtes. D'ailleurs, si tu veux offrir un baiser à une bombe cet été sur la plage, joue Lafaure, sinon tu risques de prendre une tête. Alors maintenant, pour prolonger notre petite histoire illustrée le long des dunes, il est grand temps désormais, à 11h43, de retrouver une dernière fois avant l'été nos deux gastéropodes, les berniques que sont Jean-Claude et Monique. Ainsi, afin de se donner un avant-goût savoureux de leurs vacances en bord de mer dans quelques semaines, Monique et Jean-Claude ont décidé le week-end dernier de s'offrir un bref séjour au Touquet. Pourquoi le Touquet ? C'est la question justement qu'a posée Monique à Jean-Claude dans la voiture qui les conduisait vers le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, pour le Jean-Claude, cette station balnéaire, c'est un peu comme un pèlerinage de son enfance. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Eh oui, c'est donc là-bas, au Touquet, que Jean-Claude allait à la mer quand il était môme. Et puis il ajoute qu'il y est venu jusqu'à ses 18 ans, tous les étés. Alors forcément, ses souvenirs d'adolescent au Touquet sont multiples et variés. Je me souviens du bord de mer, avec ses pillotes ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. C'était chouette, les filles du bord de mer. Oui, bon, ben Monique ne veut pas en savoir plus. Elle aussi, hein, elle a dragué sur les plages durant les étés de sa jeunesse. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ils finissent par arriver au bord de la mer. Seulement voilà, tout a changé, dis donc, au Touquet. Et du coup, Jean-Claude, lui, ne retrouve plus son chemin. C'est alors qu'il croise un touriste anglais à qui Jean-Claude demande quelques indications pour retrouver la plage. Ce à quoi le British lui répond que... De toute façon, dès que tu prends la descente, tu vas vers la plage. Et là, tu peux te baigner et te rafraîchir. Toutes les salopes sont là. Elles ont des bikinis, les nibars, les... C'est tout du plastique, c'est à 20 000 $. Putain, ça m'excite. Oh oui, ça m'excite. Ça m'excite. Ça m'excite. All right. Décidément, Jean-Claude se dit que les choses ont bien changé au Touquet. À tel point que sur la plage, il existe désormais une école de surf. Bon, question vague, c'est plutôt mal barré, mais après tout, Jean-Claude se dit qu'il serait idiot de ne pas essayer, histoire de pouvoir frimer à Osgore en août prochain. Jean-Claude propose alors à Monique qu'elle aille se balader tranquillement sur la plage pendant qu'il va se renseigner auprès de l'école de surf. Monique se retrouve donc seule sur le sable, les pieds dans l'eau. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Pendant que Monique pêche quelques palourdes, Jean-Claude, lui, vient de rencontrer le curieux moniteur de surf du Touquet, qui cherche à savoir d'ailleurs si Jean-Claude connaît les bases fondamentales du surf. Bon, alors, t'as déjà vu Point Break ? Oui, en concert. Le film Point Break avec Patrick Swayze. Ah, ouais. Non. Tu connais pas Point Break ? Non, non plus, je sais pas. Eh, oh la honte. Ouais. Tout est dans Point Break. Un mec, quand il voit ce film, il devient bilingue en surf. Tu me suis ? Ah, ouais ! T'es surfeur. Hey, c'est pour ça que t'as un air comme ça, un air antipathique. Bon, Jean-Claude n'a peut-être pas vu Point Break, mais il montre au moniteur de surf du Touquet une vieille photo qui atteste qu'il a déjà fait du surf, bon sang, il y a quelques années, certes, à Biarritz. Sur ma planche de surf, moi, je fendais l'écume. Je suais comme un bœuf, mais bon, hey, j'avais un rhume du nez, je m'excuse, ça arrive. J'étais musclé comme un copain de Marlon Brando, qui est pas sur la photo, mais qui est musclé très bien. Le moniteur est sceptique. Mais bon, il décide tout de même d'offrir à Jean-Claude quelques rudiments élémentaires de surf. C'est ainsi que Jean-Claude apprend que la priorité d'un surfeur tient en quelques mots. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. Seulement voilà. Pendant que Jean-Claude découvre la véritable essence du surf, Monique, elle, ne se doute pas du danger imminent qui la guette. Alors qu'elle se promène le long de la plage, un redoutable requin vient à sa rencontre. Classe, beignet, boisson fraîche, chéché. Aujourd'hui, avec le vent, les chéchés, ça marche pas. Hein. Les gens mangeraient du sable. Alors ce matin, malin, je me lève à 6h et zou, j'ai acheté un lot de 250 cerfs-volants à des gitans. Je les touche à 1,80 pièces et je fais 7 fois la culbute à la revente. Mais faut qu'il y ait du vent. J'en ai vendu un lot de 50 à un nain de passage, c'est vous dire si les gens aiment ça. Mais j'ai toujours eu un peu le génie des affaires. Glace, hein. Beignet, boisson fraîche, chéché. Monique n'en croit pas ses yeux car immédiatement elle reconnaît Président Chirac, bien sûr. Mais que fait-il là, bon sang ? C'est ainsi que sur cette plage quasi déserte, Président Chirac se plaît à s'attarder auprès de Monique. et lui confie qu'il y a bien longtemps, juste après la guerre, il a connu sur cette plage du Touquet son premier grand amour. D'ailleurs, Chirac ne peut s'empêcher de raconter à Monique son merveilleux souvenir d'adolescent. Tu te baignes ? Non, pas tout de suite. Bon, bah viens, on va s'asseoir. Tu pensais que je viendrais ? Et toi ? Bah, je savais que tu venais ici. C'est pour moi que tu viens ? En général, je fais pas 10 bornes uniquement pour me baigner. Ah, tu pourrais venir pour Marion. T'es folle. Tu as une petite amie ? Ouais, à Paris. Ici, je sortais avec une fille et puis on s'est disputé. Et toi, t'as un mec ? Oh, j'en ai plein. Alors, tu peux peut-être en prendre un de plus. En tout cas, ça sera pas toi. Mais j'ai pas dit que j'étais candidat. Bon, laisse, j'aime pas qu'on me touche. Et tes petits amis ? Oh, ils n'oseraient pas. Bah, alors, c'est pas tes mecs. Bon, on va se baigner ? Monique est émue par ce souvenir de Chirac et se dit qu'on finirait presque par le regretter, dis donc. Mais elle veut connaître la suite de cette romance estivale. Président Chirac lui raconte alors que... J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Voilà pourquoi président Chirac revient parfois rôder par ici, sur cette plage, dans l'espoir de recroiser un jour Pauline, cette jeune femme qu'il n'a jamais revue. C'est alors justement qu'un monstrueux orage s'abat sur le Touquet. Président Chirac salue fils à Monique, pendant que sous un ciel apocalyptique, déchiré par des éclairs foudroyants, Jean-Claude, lui, sur les ordres de son moniteur, tente de prendre sa première vague en surf. Veux voir comment ça surfe là-dessus, allez vous changer. Elle continue de canarder, mon colonel. Vous voulez surfer, soldat? Oui, mon colonel. À la bonne heure, parce que c'est le surf ou le combat, c'est vu? Exécution. Ça va, je découvre, va chercher une planche pour l'aide. Je te parle, j'ai l'impression d'aller essayer. Quoi? T'as vu comment elles partent dans les deux sens? Il y en a une qui part à droite et l'autre à gauche en même temps. Et qu'est-ce que t'en dis? Je dis qu'il vaudrait mieux attendre que la mer monte. Hé, hey, laisse, viens voir, regarde. Attention au but! Visiblement, Jean-Claude a pris un sacré bouillon cet après-midi sur sa planche de surf. Trempée sous la pluie, Monique, restée sur la plage, voit revenir son Jean-Claude qui a vaillamment affronté les éléments maritimes. Elle le récupère lessivé. Voilà, fin de la virée en bord de mer. Résultat, Monique n'a pas du tout bronzé et Jean-Claude, lui, n'est pas tout à fait prêt pour affronter les énormes rouleaux d'Osgore. Mais bon, dans la bagnole, sur la route du retour, chamboulée par les confidences malheureuses de président Chirac, Monique ne put s'empêcher de dire à Jean-Claude combien elle est heureuse lorsqu'ils marchent ensemble, tous les deux, sur une plage, comme il y a un an, en automne, je crois. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laure Aubry enceinte. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore, parce que l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie est indien. Indien. Indien. L'été indien, merveilleusement revisité par Chantal Lobby et Vincent Malone, allongé sur la plage numéro 8 d'un best-of de Joe Dassin. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre périple en bord de mer. D'Alexandre Dumas sur la plage de Trouville à Président Chirac nu au fort de Brégançon, de l'année des méduses à l'été du Parti Socialiste et des cours de surf du Jean-Claude au coup de soleil des nudistes, nous t'avons dressé ce matin un panorama incomplet et subjectif, bien sûr, de ce que peuvent être les vacances à la mer. Alors nous voici donc également arrivés ce matin au terme de la seconde saison de La Panique au Mangin Palace et, a priori, on se retrouve en septembre. Mais d'ici là, c'est crème solaire et string léopard pour toute l'équipe parce que nous aussi, nous partons en vacances. C'était Thierry Hazard qui va paniquer sur la plage cet été. Voilà, fin du 84e épisode et fin de la saison 2. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi le bord de mer, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine, dis donc, à 11h sur France Inter et tous les dimanches de l'été à la même heure pour une rediffusion de ce qui nous semblait être les meilleurs épisodes de l'année. Par ailleurs, sachez que le Mangin Palace sera à New York jeudi soir dans l'espoir de décrocher cette fameuse grosse médaille de champion du monde. Alors bien sûr, on vous tiendra au courant. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Au platine, au montage et à la réalisation ce matin, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco à toi pour toute cette année. Assisté aujourd'hui à la technique d'Aurélie Fortin et de Bénédicte Roy, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci beaucoup Flora. Merci aussi à Perrine Reversa, Clarisse Le Gardien, Catherine Pinto, Anne Delalande, ces drôles de dames qui nous ont aidés toute l'année. Et clin d'œil également à Nathalie et Michel pour leur soutien indéfectible. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement et qui est en cabine ce matin pour la première fois de l'année. Hein Thierry, merci beaucoup de ta collaboration. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires bien utiles. Merci Olivier. Merci bien sûr à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses somptueuses trouvailles. Et enfin, La Panique est une émission coécrite durant toute l'année, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Comment ça va, monsieur Mauduit ? Mais ça va très bien, monsieur Colin. Alors, à mon tour maintenant, Philippe, de te remercier. Et là, je parle au nom de toute l'équipe de La Panique qui s'agite en ce moment derrière la vitre du studio. Parce que pour construire cette émission foutraque de 53 minutes, c'est un petit marathon hebdomadaire et c'est surtout beaucoup de fou rire et de plaisir de travailler avec toi. Alors merci encore monsieur Colin, merci à tous les auditeurs qui nous suivent chaque semaine et qu'on embrasse un par un. C'est bien ça Philippe ? Ouais, tout à fait, un par un. Et d'ailleurs merci beaucoup à vous parce que derrière le poste, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et sans votre soutien, nous n'en serions pas là. Alors nous avons pleinement conscience de cela, merci beaucoup. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc à partir de dimanche prochain pour la série des best-of à 11h sur France Inter. Passez un très bel été, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct, elle était un peu chaude, mais je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci.